Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. On ne peut pas avoir une vision de grandes choses en ignorant le fait que Dieu cherche des hommes, des femmes, un peuple qui est rempli de foi, qui a l'expérience de la puissance de Dieu, qui croit dans la puissance de Dieu, qui agit en nous, par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a une étape à franchir. Il y a une étape, il y a une nouvelle étape. Il y a une nouvelle page qui a besoin de tourner dans l'Église. Il y a une nouvelle page. Parce que c'est très facile d'être satisfait de ce que nous avons. C'est comme une échelle. Il y a 25 marches. On a commencé à monter. Nous sommes arrivés à moitié chemin. On est là. On reste là. On demeure là. On vit là. Mais il faut monter. Il faut monter. Il y a des marches à grimper. Il y a un nouveau cœur. Il y a une nouvelle étape. Il y a de nouvelles portes. Les nouvelles portes s'ouvrent. Et je crois que nous ne pourrons pas entrer dans ces nouvelles portes que Dieu va ouvrir s'il n'y a pas un changement dans notre foi. En d'autres mots, nous allons patiner. Nous serons à fond, mais nos roues vont patiner. Et vous savez que quand nos roues patinent, on n'avance pas. On fait du surplace. On fait du surplace. Mais si nous allons entrer dans les portes que Dieu ouvre pour nous, il nous faut une nouvelle expérience dans notre foi. Une nouvelle expérience dans notre foi pour faire face aux besoins qui sont devant nous. Ça me rappelle Pierre et Jean quand ils sont arrivés à la porte du temple. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient absolument rien. Du reste, ils ont dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Il y avait de la foi dans la puissance de Dieu pour relever cet homme. Oui ou non ? Il y avait la foi pour relever cet homme. Il y avait la foi pour changer sa vie. Il y avait la foi pour faire de grandes choses. Et Pierre et Jean n'avaient rien. Pas d'argent, pas d'or, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien à donner à cet homme dans le naturel. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les gens dans leurs besoins naturels, pas du tout. Non. Mais à ce moment précis, Pierre et Jean n'avaient rien de naturel. Mais il y avait une grande foi dans leur cœur. Ils croyaient dans la puissance de Dieu pour relever cet homme. Le faire marcher, rentrer chez lui. Et si je lis le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons des chrétiens, une église, où la foi était présente. Non ? Ils étaient dans la foi, ils marchaient par la foi, ils vivaient par la foi, ils agissaient par la foi. Pour eux, la puissance de Dieu, c'était quelque chose de acquis. Il n'y avait pas de doute là-dessus. C'était quelque chose qu'ils vivaient tous les jours. Ils voyaient Dieu agir, pourvoir, restaurer des vies, faire des miracles. Ils voyaient Dieu. Ils ont vu ça quand ils marchaient avec Jésus. Et eux-mêmes maintenant, Dieu les avait donné cette foi. Et toute l'Église pouvait bénéficier. C'est pourquoi je crois que nous avons besoin de passer à une vitesse supérieure. Grimper les échelons. Tourner une nouvelle page. Et prier. Et prier. Un renouvellement dans nos cœurs pour prier, pour crier à Dieu, pour se donner davantage, pour se mettre à part. Oui ou non? D'une manière personnelle et d'une manière corporelle. Les deux. Cherchez le Seigneur. C'est un grand mot, chercher le Seigneur. Prier. Se donner. Supplier. Paul dit avec supplication. Dans Éphésiens, toujours au chapitre 6, il parle de cela. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Si on veut développer une foi dans la puissance de Dieu, il faut pouvoir s'humilier suffisamment dans la prière et se donner dans la prière et continuellement prier. On ne peut pas juste espérer de devenir des hommes de foi, des femmes de foi. Si on ne se tourne pas dans la prière, si on ne te donne pas dans la prière, il y a tellement de choses qui se passent dans la prière. Dieu répond. Dieu nous équipe. Un élément qu'on ne peut pas contourner. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est un tout. Tout est relié ensemble. On ne peut pas négliger une chose. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie. On pourrait se dire, mais où est-ce qu'on va trouver le temps pour faire tout ça? Où est-ce qu'on va trouver le temps pour se réunir ensemble dans un corps et prier, pour prier chez nous, chacun? Où est-ce qu'on va trouver du temps? Ajouter avec ça la parole de Dieu. Notre pain de tous les jours. Comment on va faire pour trouver le temps pour tout ça? Et on peut finir comme des esclaves. Esclaves de ce monde. Esclaves de beaucoup d'autres choses. On ne peut pas espérer ni croire que nous serons des hommes et des femmes de foi. Si on devient esclave du monde, esclave de notre travail, esclave de d'autres choses, ce n'est pas possible. Et finalement, on se laisse avaler. On finit noyé par les choses de la vie. Il y a une vie à changer. Qui est d'accord qu'il y a une vie à changer? Qu'il y a un style de vie à changer? Quand Dieu ouvre des portes, quand Dieu veut faire des grandes choses, il a besoin des hommes et des femmes. Qui marchent par la foi, qui ont la foi dans leur cœur, qui croient dans la puissance de Dieu, parce que Dieu ne construit rien d'une manière, allons dire, efficace, sans son intervention, par des miracles et des prodiges. Il a toujours fait. Toujours. Il a toujours agi par sa puissance dans toute construction qu'il veut faire. Tout le temps. Si vous allez depuis le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu s'est manifesté par des miracles pour délivrer son peuple, pour l'emmener dans le désert, pour le faire posséder le pays, pour gagner des victoires. Ça a toujours été par des miracles, les prodiges, tout le temps. Et Dieu n'a pas changé de méthode. Il n'a pas changé de méthode. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi la foi doit être l'élément incontournable de notre vie. Quand on parle de la foi, on parle de la foi dans la puissance de Dieu. La même puissance que l'Esprit de Dieu a manifestée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui agit en nous. La même puissance. La puissance de Dieu. C'est pourquoi cela demande un autre style de vie. Et c'est vrai que nous sommes complaisants. On peut arriver à mener une style de vie complaisant, satisfait, de connaître Jésus, de s'habituer à un style de vie complaisant. On se plaît dans ce qu'on a. Pas d'efforts supplémentaires. Pas de sacrifice de sa vie davantage. Je ne parle pas de loi, d'obligation, non. Je parle d'un désir dans notre cœur qui doit grandir afin que nous avons un autre style de vie qui nous attend devant nous. Quand nous regardons à nos vies, nous réalisons que quelque part, il faut avoir un autre style de vie si on veut entrer dans les choses profondes de Dieu et que la foi doit demeurer dans notre cœur pour voir la puissance de Dieu se manifester ou pour même commencer à croire, à avoir la foi dans la puissance de Dieu. Quand on analyse la vie chrétienne et qu'on comprend la vie chrétienne, on doit lui donner le temps qu'il faut à la vie chrétienne. Il y a du temps pour se reposer, il y a du temps pour faire des choses. Il y a du temps pour tout. Nouveau style de vie. Un engagement. Une détermination. Une constance. C'est ça qui est difficile. C'est ça qu'on a besoin de perdre quelque part. Cette constance. Non? C'est ça qui est difficile dans la vie. C'est pourquoi on a besoin de perdre. On a besoin de perdre. C'est comme des gens qui décident qu'ils vont aller courir tous les matins. Ouais, les premières semaines, ils sont à fond. Ils sont à fond la première semaine, ils se lèvent à 5h30 le matin, ils vont 4 tours, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués. Deuxième jour, ils sont à fond, troisième jour à fond, après un mois. Ben oui. Et la vie chrétienne est un peu comme ça. On s'engage, on fait certaines choses, on a des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais au moment donné, il y a des choses qui viennent comme des obstacles. Et on trouve toujours quelque chose pour se justifier. Nous tous, et moi partie prenante, moi aussi. Toujours, il y a une chose. Pour expliquer pourquoi. On explique pourquoi on ne peut pas continuer. Il y a des choses qui sont réelles, mais il y a d'autres qu'on invente. On l'invente, on fabrique. On est d'accord? C'est pourquoi cette vie de foi, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Cette foi, elle vient aussi avec le don de sa vie. On ne peut pas vivre tous les jours au milieu d'un monde sans foi et ne rien avoir dans notre vie qui surmonte ça, qui va nous emmener au-delà, au-dessus de cela. On ne peut pas. Et la chose qui va nous emmener au-dessus de cela, c'est notre engagement. Notre engagement. Mais il faut comprendre, mes frères et sœurs, que ça devrait être la vie normale. Et surtout que nous vivons dans un monde qui est à toute vitesse. Il faut avoir une vision dans notre cœur d'une nouvelle qualité de vie, d'un nouveau style de vie. Oui ou non ? D'un nouveau style de vie. Et souvent, il y a des choses qui prennent place en nous. Et vous savez quoi ? Souvent, on est fatigué sans être fatigué. Vous connaissez des gens qui sont fatigués sans être fatigués ? Vous connaissez ces gens-là ? Ils sont fatigués sans être fatigués. C'est-à-dire qu'ils mettent tout sur le compte de la fatigue. Ils sont tout le temps fatigués. C'est pourquoi ça me fait rire aujourd'hui de voir les jeunes. Les jeunes qui sont tout le temps fatigués. Ils vivent fatigués, les jeunes. Ah, ces pauvres jeunes. Ah, ils font pitié. Ils font pitié. Se cache derrière la fatigue, je suis fatigué. Ouf. Sans être fatigué, ils sont fatigués. C'est incroyable. Moi, la parole de Dieu me dit que Dieu, c'est celui qui renouvelle des forces en nous. Si on a besoin de faire quelque chose pour Dieu, il renouvelle nos forces. Oui, non. Moi, je connais ce que c'est que ça, moi. Moi, je sais ce que c'est quand Dieu renouvelle vos forces. Vous n'avez plus rien. Zéro. Il fut un temps. Ma femme ne sait pas. Oui. Parce que je n'aime pas lui dire des choses qui vont l'affoler. Oui. Je montais sur cette estrade sans aucune force. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je m'appuyais souvent pendant un temps, comme ça. Personne ne savait. Seulement le Seigneur. Mais je montais, j'avais une responsabilité devant le peuple de Dieu. Et j'avais besoin de prêcher l'évangile. Mais le moment que je venais là, je montais ces marches, j'étais faible. Oui. Mais je voulais servir Dieu. Vous ne voulez pas affoler personne parce que les gens s'affolent chez moi quand il y a quelque chose qui se passe un peu dans nos vies. C'est vrai. Mais c'est vrai. Dieu renouvelle nos forces. Il renouvelle nos forces quand on a besoin de le servir. Ceux qui servent Dieu connaissent ça. Ceux qui donnent leur vie pour servir Dieu connaissent ce que je suis en train de dire. Tous ceux qui servent Dieu de tout leur cœur et qui ne se cachent pas derrière la fatigue, Dieu va les faire expérimenter sa grâce et sa force en tout moment. Un autre style de vie. C'est comme ça la vie. On se donne la vie chrétienne. Mais souvent, on devient tiède. Je vous pose une question ce matin. Qui c'est qui a déjà commencé certaines choses avec ferveur, avec foi, avec détermination, après 3 mois morts ? Il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est ça. C'est une vie donnée. C'est une vie donner. C'est comme ça. Pour arriver à croire dans la puissance de Dieu, pour arriver à faire des grandes choses pour Dieu, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut changer de style de vie. Moi, je dis ici, nous tous, nous avons besoin de changer de style de vie. Vous êtes d'accord? Changer de style de vie. On devient trop complaisant. Je n'ai pas d'autre mot. Confortable. Hein? Ça va. Oui, c'est un peu comme ça pour nous tous. Mais je veux vous dire que si Dieu va ouvrir des grandes portes ici à Maurice, pour nous, si Dieu va ouvrir des grandes portes pour son Église, on a besoin de monter quelques marches. Vous êtes d'accord? On a besoin de monter quelques marches pour que cette foi dans la puissance de Dieu soit réel en nous. On a besoin de changer. Autrement, on va rester loin. Et il y a tellement de joie dans le service de Dieu. Il y a tellement de joie dans le service de Dieu. Il y a tellement de récompenses dans le service de Dieu. Oui ou non? Hein? Et laissez-moi vous dire une chose, on va cesser de s'inquiéter de toutes les histoires de la vie, de tout ce qui se passe autour de nous, à côté de nous, parce qu'on connaît ce que Dieu est capable de faire. On sait ce que Dieu est capable de faire. Hein? Le Dieu qui a changé nos cœurs, qui a changé notre vie, qui nous a sauvés. Chacun a eu une expérience avec Dieu ici. C'est un miracle ce que Dieu a fait, oui ou non? C'est pas un miracle ce que Dieu a fait dans notre vie? Le jour de notre nouvelle naissance, c'est un miracle que Dieu a fait dans notre vie. Hein? Et quand on pense à ce miracle, on peut dire une chose, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est réel. C'est une réalité ce que Dieu a fait. Et il va continuer à faire dans nos vies, à travers nous, une nouvelle foi, un nouveau style de vie, un nouvel engagement. Non? On a parlé de la fidélité de Dieu. Ce matin, on a parlé de la fidélité de Dieu. Hein? Dans notre infidélité, la Bible nous dit « Dieu demeure fidèle ». Mais Dieu s'attend à que nous soyons, nous aussi, fidèles. Fidèles dans notre engagement, dans notre service, dans une recherche. Et nous allons voir, mes frères et sœurs, notre langage va changer. Et on va commencer de plus en plus à avoir le langage de la foi. On n'invente pas ça. On n'apprend pas ça. Ça doit sortir de nos entrailles. Ça doit sortir du fond de notre cœur. Cette foi vivante va produire le langage de la foi. Qu'on ne peut pas apprendre par cœur, on ne peut pas apprendre ces choses-là par cœur. Quand c'est réel dans notre cœur, et nous allons communiquer, parler d'une autre manière. On est d'accord? On prend le challenge. On prend le défi d'un nouveau style de vie. Moi, je ne veux pas mettre personne sous la loi. Je ne veux pas imposer aucun principe dans la vie de personne parce que ça ne va pas porter des fruits. La loi, nous savons, tue. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on veut. Mais on veut vous encourager et permettre à l'Esprit de Dieu de nous emmener dans une nouvelle, dans un nouveau style de vie. Une nouvelle qualité de vie avec le Seigneur. Nous tous qui sommes là. Amen. Et nous verrons la puissance de Dieu se manifester et nous oserons entrer dans des situations avec la foi dans notre cœur. Amen ou non? Hein? C'est pas merveilleux de vivre comme ça? Hein? La vie chrétienne va être de plus en plus dure sans la foi. De plus en plus compliquée sans la foi. Ça va être un fardeau, la vie chrétienne, sans la foi. Ça va nous écraser, cette vie-là. Le monde va nous écraser sans la foi. On va être perdu, mes frères et sœurs. Croyez-moi, on va être perdu. C'est pourquoi un nouveau départ, un nouveau style de vie, une nouvelle manière de vivre notre vie chrétienne est importante aujourd'hui. D'accord ? Et on va arrêter d'être affolé par des histoires de gauche et de droite. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est grand. Grand et fidèle et puissant pour accomplir tout ce qu'on peut lui demander selon sa volonté. Oui, non ? C'est pas ça notre Dieu ? Mes frères et sœurs, c'est pas ça notre Dieu ? Hein ? Dans quelque temps, notre foi sera différente. Je vous assure. Je vous assure. Si on est prêt à s'engager, Dieu va renouveler cette foi-là. Amen. Et tout notre regard sera sur le Seigneur. Que sur le Seigneur. Notre regard sur le Seigneur. Tout sur le Seigneur. Contactez CTMI au plus 33 6 28 05 67 89 ou visitez www.ctmi.org.